chanter leur pio, danser la musique. De nouveau les voici revenus, place au ténor de la politique. Voici le bal des faux culs, c'est la valse des grandes promesses. Sourire aux lèvres et belle tenue, de beaux discours jusqu'à l'ivresse. Entrez dans le bal des faux culs, le bal des faux culs. Au gré d'un temps trop langoureux, il nous enlace d'un air convenu. Bonjour, bonsoir, je suis heureux. Entrez dans le bal des faux culs. Un passe au dog plus périlleux pour faire avaler la pilule. Oui, oui, tout ira pour le mieux. Entrez dans le bal des faux culs. Voici un slow très chaleureux. Prenez ma main quand je serai élu. Vous le serez au plus malheureux. Entrez dans le bal des faux culs. Le bal des faux culs. Un petit disco plein de folie pour attraper tous les déçus de cette élite priseuse de vie. Entrez dans le bal des faux culs. Les lampions se sont éteints, la musique ne résonne plus. Vous nous prenez plus pour des cons, vous prendrez nos pieds au cul.